DJ Witness. New generation attack. Ah bon, donne-moi ma foule. Oh, ils ont les explications. Clairement, pas de fausse note. Et si vous suivez pas, n'est pas mon fort. Au fur et à mesure, nous transpire le guial. Mais quand les belles ont déterminé si vous verrez le pire guial. Ou le cire guial. Quand même, il fait sauter, bien balancer. Après, nous va pour pas faire si quand je fais déterminé si vous le cire guial. Ou bien pire que ça. Il est bien bonsé, il a la fesse à Nicki Minaj avec le petit corps à Beyoncé. Il veut voir autre chose, moins de tout ce que l'on sait. Tellement mis ça pour vite mon prénom ligué. Même pis prononcé, mais garde un peu ça. Le seul en féminin n'a saisi des cartes, un peu ça. Risque ça, même si m'y connaît que ça, les risque ça. En vitamine, nous connaît que n'a pas plus risque ça. Le réel, mais je nous transpire le guial. Le corps, les belles, on se termine si vous voulez voir le pire guial. Ou le cire guial. Après nous va pour ma peine, si quand je vais t'aimer si vous le dire guial. Ou bien pire que ça. Attends à où. Quand nous te sera dans le fin noir. Ma montre à ouvre ça n'est pas de sous mon peignoir. La soie sera moins tombée noire. Il faut le voir pour le voir donc si ouvrez pas loup. Madonna ou freestyle, vous pas des dick my time et dans ton télé. Appelle à moi le messie. Il place des frappes dans ton petit filet. Affolé, à soi tout aussi sa voix étoile défilée. Racoulé, Asimali, Tieti, ça et casse pas collé. Le fur et à mesure nous transpire le guial. Le col est bien lancé, termine si vous voulez voir le pire guial. Ou le cire guial. Quand même il fait sauter, bien balancer. Après nous va pour ma peine, si quand je fais jamais si vous les dire guial. Ou bien pire que ça. Moi mi t'a ou pas de soucis. Pas de soucis. Mi ramène même mon équipe est comme la Katsuki. Vraiment pas de soucis. Roule la caisse, lui fait pas autant de ça. Suffit même dans un temps pourri. Viens on va jouer au chat et à la souris. Laisse pas ça pourri. C'est mon argent pas où on aura pris le temps. Le fur et à mesure nous transpire le guial. Le corps les belles on se termine si vous verrez le pire guial. Ou le cire guial. Quand même il fait sauter, bien balancer. Après nous va pour ma peine si quand je fais termine si vous le cire guial. Ou bien pire que ça. Ou bien pire, tout seul le genre qui y en vit. Et vous mettez devant vous DJ Witness. Spécialement police, hein. Big up, big up, big up. DJ Witness. Ah bon. 2012, new generation. Oh, oh, Bilou. Y'a sur les cils. Maman. Ah bon. Le fur et à mesure nous transpire le guial. Le vol est bien lancé, termine si vous verrez le pire guial. Ou le cire guial. Quand même il fait sauter, bien balancé. Après nous va pour ma peine, si quand je fais termine. Et vous mettez banque pour autres.